rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons exclus dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial Jules. Et c'est parti pour la dernière soirée entre 20h et 21h dans Planète Rap avec Jules et l'album Dans ma paranoïa. Comment va? Ça va et toi? En pleine forme? Ça va, pépère. Bon, on avait dit une heure de live ce soir. Une heure. Non. C'est toi qui avais dit ça. T'avais dit ouais, vendredi je vous fais un live, ça va durer une heure, machin. Ouais, je crois qu'il va durer une demi-heure là. Ah ok, donc un petit peu de retard sur le live. Voilà, parce que je dois faire passer mes morceaux de l'album et tout ça là. Tout ce qui reste à faire passer. Plein de morceaux qu'on va peut-être découvrir si vous n'avez pas encore cet album qui est sorti le 24 février dernier. C'est Dans ma paranoïa, on le découvre tous les soirs entre 20 et 21. Tous les soirs en même temps tu nous as fait du live, des gros lives. Hier c'était le cas encore, on va se rappeler ce qui s'est passé hier soir en live dans l'émission. Ah, on va pas se rappeler tout de suite, c'est pas prêt? Et bah dans un instant donc on pourra se rappeler le live et le freestyle d'hier soir, c'est bon, on peut l'écouter maintenant. Je suis pas dégueu, je suis pas ta mère, je suis pas ton père pour que tu me parles ta mère. Arrête le rap, ce n'est pas pour toi, tu plains tout, tu forces à vivre la galère, je me défonce à l'air. YouTube comme ta l'air. 8 millions de vues en 5 jours, c'est qu'une fausse salaire. Comme Totorina, je me contenterai pas de Palerme. Tu veux le boss, l'argent du boss, pourquoi pas la chatte à sa mère. Si t'as peine, tu gagnes rien. Chanel le rap, ça payera. Mais pour l'instant, je gagne rien. Ce qui parle, c'est ceux qui connaissent rien. Ce qui gagne, c'est ceux qui ne laissent rien. Ça parle pour rien, ça sneak pour rien. Ça cherche que des plans et que des casse-reins. De la bombe, on va t'enfiler. L'argent facile nous a fasciné. Crâne rasé, t'es cramé, t'es calciné. Ça rappelle plus à Marseille que dans le ciné. Demande à Jules, c'est le 1-3-5. Je fais des beurs comme un 6-35. Je pars ton âge, j'en ai 23-5. On prend pas de calache et un 6-35. Sur ce moment-là, c'est les quartiers nord. Pas de vaillant, fais une Baltimore. C'est comme une casse pour toi, viens voir chez nous, gros. Ça lève les crosses comme un Baltimore. C'est Clarmy, Musiki, Bouzili, Gawan, Industrie qui produit. On bosse nuit, des jours l'industrie fournit du bon produit. Pour moi c'est les vagues des packs, de la Twingo, pas du pack-em. L'époque où tous ces comics se mettent à rapper comme une laine. Tu m'aimes pas, j'aime pas, tu t'aimes pas, j'aime pas. Je sais que tu m'as carotte, t'arrêtes de me faire des airs de sympa. J'débite des bits, mais débite des bits. Je reste débite de bois avec un peu de buzz et un peu de bite. Mais t'inquiète, ça se lève de. Pourquoi tu tapes, tu n'es qu'un paille. Ton meilleur film, c'est American Pie. Je suis là pour un bail, je veux la médaille. Demande à Wandel pour les médailles. Voilà, c'était hier soir, ce soir encore du live en fin d'émission. Vous aussi venez rapper dans l'émission 41759 pour les inscriptions avec le hashtag Jules sur Skyrock, c'est la dernière ce soir. On va parler un petit peu de l'avenir de Jules, notamment ce soir aussi un concert pour toi. Ce soir, ouais, White Dream. Voilà, du côté de Paris. Ouais, c'est ça. Et on débute avec le morceau Dans ma paranoïa tout de suite sur Skyrock, c'est parti. Je suis dans ma paranoïa, je suis dans ma paranoïa, je suis dans ma paranoïa. Paranoïa, you dans ma paranoïa, you dans ma paranoïa, dans ma paranoïa, paranoïa. J'suis dans ma paranoïa, paranoïa. Les émotions sur ma route, t'en es plus rien à foutre. Ami, ennemi, y'a un mot et un calomni. Et mon vie, pas le gros, ta drogue vient pas de Colombie. J'suis pas Snoop Dogg, au check ça vend de la douce. Si j'ai changé, dites-moi si je suis plus le même. Dis pas que tu veux me test. Non mais attends là, what's your name. Je connais pas les femmes mais j'ai ce qu'elles veulent. C'est quand t'as rien que tu sais ce qu'elles veulent. Tu gamberges quand tu finis seul. Tu repars chez ta mère avec mes phrases en balle. Tu fais le dinguer, tu coupes mal un kill. Tu fais le voleur, tu fais mal les fils. Tu fais le coinceur, tu connais mal les filles. Elles sont très très mal les filles. Je suis dans ma paranoïa. Paranoïa. Laissez-moi sur ma route. J'en ai plus rien à foutre. Je suis dans ma paranoïa, paranoïa. Laissez-moi sur ma route, j'en ai plus rien à foutre. Tu quittes la cité, pourquoi t'es pisté? C'est tout simplement que ta femme t'a mis au piquet. Ça y est, je suis vidé, là je t'écoute même plus. Je mets pas d'avis derrière moi, je mets pas de pointure. En bruit, grosse pointure, parking coup de ceinture. C'est dur de se voir glisser quand le sol est en peinture. J'suis très bien guidé, dis-moi qui j'suis. Dis-moi si j'fais des fautes, des fois j'sais même plus qui j'suis. J'suis dans ma paranoïa, paranoïa. Laissez-moi sur ma route, j'en ai plus rien à foutre. J'suis dans ma paranoïa, paranoïa. Laissez-moi sur ma route, j'en ai plus rien à foutre. Rien à foutre, tu tentes ma chance, j'veux rentrer dans la légende. J'suis dans ma paranoïa, d'après ce que me disent. Yeah. dédicace à J'ai la Lune, Kashi et Kylian, Miguel, Dexter, Pourcouille, numéro 9 de Lune, Abdallah, Gardan. C'est la crise au mic, mec. Et c'est Jul au mic toute la soirée entre 20h et 21h sur Skyrock avec Jul et l'album Dans ma paranoïa. On va parler aussi un petit peu de l'avenir. L'avenir pour toi, c'est quoi? Ça va être les concerts, Jul, surtout? Ouais, voilà. Hein. C'est tout. Les concerts, les tournées, tout ça. Mm-hmm. Et voilà. Il y a un nouveau projet qui arrive, tu nous l'as dit cette semaine aussi. Alors le 16 juin, ouais, il y a le street album La Crise au mic. Donc La Crise au mic, on pourra retrouver du son de Jul avant l'été. Voilà, ça arrive fort avec un clip aussi qui arrive dans pas longtemps, la Brigante. Pour toute ma team Jul qui l'attendent avec impatience, ce morceau, il arrive. Voilà. La team Jul qui se manifeste avec le hashtag Jul sur Skyrock. Beaucoup, beaucoup de messages, beaucoup de questions aussi à poser à Jul. Moi, j'en ai une. C'est pour repartir avec l'album dédicacé de Jul. Bah, c'est simple. Vous nous envoyez la réponse au 41759 avec le hashtag Jul sur Skyrock. Comment s'appelle le label de Jul? Simple. C'est donné presque, j'ai envie de dire. C'est cadeau. Il suffit de lire si vous avez les images sur skyrock.fm. Et on met un autre titre tout de suite de l'album. Allez. Lequel? Griller, on voit griller. Griller ? Ouais. Griller. Allez, c'est parti maintenant sur Skyrock. Bon, venez. Non. Je suis crié. Je fais des billets. Plaque plié. J'me dois crier. Les flics nous fouillons, c'est pas si faire. Mon fils nous lève le matin à 6h. Je dévale ma vie, les secrets de mon cœur. Photo désolé si des fois j'suis bizarre. Les soucis tentent, tu t'es grand à venir perdu. Le doigt sur la détente, chez ta tante. Ouais, j'vois ça. Ça dépend de qui tu fréquentes. Besoin d'un gros prêt ou d'un pack. D'un gros tête ou d'un sac. Parce que j'vis, faut donc j'frite d'un cactus. Mon cœur pink, c'est devenu un cactus. Tu parles plus pour une folle, photo t'as coulé. Tu dis t'as pas de chi, tu te vois que rouler. Tu m'as d'autres gens, j'fais que les trouer. J'suis bien que dans mes rêves, j'vois la réalité dès que j'me lève. Quand j'vois les gens se manger, j'ai bien envie de faire une trêve. C'est un braco donc tes bras lèvent. Ça porte l'œil, prends leurs yeux crèvelés. Ça tourbe, c'est pas grave la roue non. Dis-leur combien tu les aimes si l'on lève. J'suis crié, là c'est trop. J'fais des billets, sortir de mon ghetto. Pas que plié. On s'est dans nos béto. J'me dois crier. Et ça resserre les dos. J'suis crié, là c'est trop. J'fais des billets, sortir de mon ghetto. Pas que plié. On s'est dans nos béto. J'me dois crier. Et ça resserre les dos. J'évite la vie, me casse pas les couilles. J'ai une famille, des potes sous les couilles. J'suis écœuré, maintenant tu sais tout. J'fais le mec en chaîne, tu caches tout chez tout. J'm'as rien dit, mais moi j'sais tout. Viens me voir, pose-toi, j't'écoute. N'oublie pas qui c'est qui était là quand t'as failli te prendre des coups. Fais pas le fou, t'as snipé. Fais pas le mec qui a kiffé. T'as trop de problèmes dans ta tête. Tu sais même plus ce que tu fais. Pour ce qui se bat même avec la telle. C'est pour Marcadon et Adèle. Tu fais trop le mec qui oublie. Tous les jours la vie te fait des rappels. Et moi j'suis comme toi, j'résiste. Le plus haut placé, savent même pas que j'existe. J'hésite, j'calme mes nerfs avec un peu de résine. Crier, là c'est trop. J'fais des billets, sortir de mon ghetto. Plaque plié. On s'est dans nos béto. J'me dois crier. Et ça resserre les dos. J'suis crier, là c'est trop. J'fais des billets, sortir de mon ghetto. Plaque plié. On s'est dans nos béto. J'me dois crier. Et ça resserre les dos. J'suis crier. J'fais des billets. Plaque plié. Tu me dois crier. Le morceau s'appelle Grillé, ça a été aussi le morceau le plus demandé sur les réseaux sociaux de Skyrock, notamment sur la page Planète Rap. Tous les jours, quand l'album est sorti, on vous demande quels sont vos morceaux préférés. En l'occurrence, c'était Grillé aujourd'hui qui était le plus demandé. C'est pour ça qu'on vous passe aussi ce son extrait de l'album de Jul. Il y a un DJ qui est là. Et DJ Samset qui est arrivé. DJ Samset. C'est... Donc ça veut dire qu'il va y avoir du live, un gros live de prévu. Voilà, un gros petit live comme prévu. Hein. Dans quelques minutes, tu vas attaquer quand? Bah, on va envoyer encore un petit son et j'envoie. Ok. Non, mais c'est juste pour savoir, tu veux qu'on mette quoi comme morceau? Non, mais on enlève le casque, merci. Bon, on va envoyer, c'est trop. C'est trop, c'est extrait de l'album de Jul, Dans ma paranoïa. La réponse aussi dans quelques minutes à la question comment s'appelle le label de Jul pour repartir avec l'album dédicacé. C'est parti sur Skyrock, Jul. J'faut que le videur, j'ai vite pété un j'proviteur. J'suis ailleurs, comment vous dire? J'ai mis de la bleue dans mes grinders. J'suis qu'un jeune de cité, j'vois des belles femmes, j'suis excité. Demande pas de choisir, ma mère j'vais jamais la quitter. Plus d'amour, faut pas décoller. Putain de merde, j'ai assez donné. Tu me dis qu'elle c'est une fille bien, mais tout le monde dit qu'elle s'est fait donner. Du mal à dire si un mot, pourtant on est collé comme des siamois. Je m'en cherche à toi mais j'ai pas les mots, car tu sais que la fierté c'est en moi. Je veux pas me lever tôt, je suis ailleurs c'est trop. Je veux pas tomber tôt, je laisse le passé dans le rétro. Je veux pas me lever tôt, je suis ailleurs c'est trop. Je veux pas tomber tôt, je laisse le passé dans le rétro. Et je vois des signes, mon avenir dessine. Mon but finit riche avant le boulot d'Ilo dans ma piscine. Tu te sens avec moi, non mais j'hallucine. C'est toi ma faute, excuse-moi, je peux faire ta cousine. Je peine tous les coups, fais gaffe sur qui tu t'appuies course. T'es trop sur les nerfs, t'énerves tout le monde, faut faire la picousse. Comme le linge et le blouse, dans le mal on est tous. C'est l'hiver dans le sud, il fait chaud, trop de shit, tout est vite, on étouffe. On a rien à voir, écoute, plutôt sur toi je doute. Attends, faut que je vide ma bouteille, avant de te dire que tu me dégoûtes. Dédicace à Saint-Jean la Pointe, fond vert, toutes les banlieues de Paname, tous les quartiers de Marseille et tous les quartiers de France, c'est la crise au mic mec. C'est Skyrock avec Jul et c'est trop extrait de son album Dans ma paranoïa. Jul, dans quelques minutes en live, on débutera un gros live, ce sera juste après après les pubs. Il y aura un petit son juste avant la Pharrell Williams avec les Daft Punk à écouter dans quelques minutes. Un petit mot quand même sur aussi, donc puisque c'est la dernière soirée avec toi Jul. Qu'est-ce qu'on peut ajouter sur ton album? Qu'est-ce que t'aimerais dire ou ajouter autour de Dans ma paranoïa? Déjà un gros merci encore à tous les gens qui ont acheté ce CD. Et voilà, on approche du disque d'or. Ouais, ça approche. Donc continue à me soutenir. De toute façon, j'ai confiance en ma team Jul. Voilà. C'est la crise au mic, mec. La team Jul au grand complet pour un live dans quelques minutes. Un petit mot aussi et la réponse, je vais la donner à la question que j'ai posée tout à l'heure. Comment s'appelle le label de Jul? C'est tout simplement Liga One. Liga One, où on retrouve des artistes qui sont passés. Il y a Kamikaze qui est dans le coin, Sosomanes qui est dans le coin également. Ouais. Ça va être des sorties pour vous prochainement aussi, Kamikaze. Toi, il y a un truc de prévu là, non? Ouais, il y a l'album là, on travaille, tu vois, on tape dur. Et voilà, je préfère pas encore donner de date, tu vois, on travaille bien, bien dur là, tu vois, jusqu'à qu'on estimera qu'il est prêt, on verra, tu vois. Bon, courant de l'année 2014. Ouais, ça arrive là, bientôt là. Ça arrive prochainement sur le label Liga One. Donc, dès quelques minutes, vous serez aussi au live, toi aussi, tu seras dans le live dans quelques minutes. Juste avant de balancer la page de pub, il y a le son de Pharrell Williams et les Daft Punk tout de suite. Une heure sur Skyrock. See all the stars, there go Venus, and there go Mars. I'm everything you've been through. You're from above. Hey, when I first saw you, I got excited. Try to keep my composure, trying to hide it, but I didn't know. I didn't let go. And it occurred to me while trying to fight it. Just like a kite, you learned to ride it, but I didn't know. You're supposed to let it go. Like a gust of wind, you hit me off sometimes. Like a gust of wind, you push me back every once in a while. Like a gust of wind, you remind me there's someone I'm there. Who rushes in the air, I need to power myself. C'est le son à l'instant de Pharrell Williams avec les Daft Punk et Jul. Dans quelques minutes, on va attaquer le live. C'est la crise au mic, mec. Gros live avec Jul et ses invités. Est-ce qu'on est là ce soir, l'équipe, ou pas? Ouais. La team Jul, elle va se réveiller, vous inquiétez pas. C'est la crise au mic, mec. Voilà, avec toute l'équipe de Jul. Il y aura du live à pas louper dans un instant sur Skyrock. Exceptionnellement, donc pas de freestyle par téléphone ce soir. On fera tourner par contre la roulette inscription pour faire tourner la roulette au 41-7-5-9. Ce sera tout à l'heure. Bougez pas, on revient dans quelques minutes. Et juste avant, et malheureusement, il y a une alerte enlèvement à faire tout de suite. Une alerte enlèvement qui concerne Mia, bébé de sexe féminin âgé de 4 mois et demi, de santé fragile, qui a été enlevé vers 23h le 17 avril au centre maternel de Nancy. L'enfant porte un pyjama. La suspecte est la mère de l'enfant âgé de 36 ans et déficiente mentale. Elle mesure 1m75, porte des lunettes gros foyer, a des cheveux châtains foncés ondulés et légèrement grisonnants. Elle porte une veste polaire beige avec un imprimé géométrique dans les tons rose et bleu, ainsi qu'un pantalon et des baskets noires. Elle est montée avec l'enfant dans un véhicule qui l'attendait à la sortie du centre maternel. Et évidemment, si vous localisez l'enfant l'agression ou le suspect, vous n'intervenez pas vous-même, mais vous appelez immédiatement le 0805 200 200 0805 200 200, ou alors vous envoyez un courriel à alerte.enlèvement@intérieur.gouv.fr. Joule dans Planet Rap entre 20h et 21h, et la Team Joule aussi, qui est là, toute l'équipe. Dream Team Joule, la Dream Team Joule, elle est là. La Dream Team Joule, est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes chaud ou pas? Toujours. Ouais. Non, vous êtes chaud ou pas? Ouais. Ouais. On va tout péter. Allez, c'est parti, Sam 7 est au platine, on y va, on balance le son. Yeah. C'est la crise au mic, mec. 24 février dans les bacs. Et le 16 juin, street album qui arrive. La crise au mic, mec. Cagoule, paire de gants, arme de guerre, j'ai P800, ouais. Cagoule, paire de gants, arme de guerre, j'ai P800, ouais. Cagoule, paire de gants, arme de guerre, j'ai P800. L'argent, te laisse ta terre couverte de sang. Cagoule, paire de gants, arme de guerre, j'ai P800. Un fruit pour l'argent, te laisse ta terre couverte de sang. Couvert de sang. Cagoule, paire de gants, arme de guerre, j'ai P800. Un fruit pour l'argent, te laisse ta terre couverte de sang. Couvert de sang. J'en vais pour les miss, non. Dealer vite, kiss, trempe. Ici pour un disque, is done. Je vais sortir un disque qui cogne. Je pète les plans, ça va faire 12 ans que je rappe. Des sous, j'en vois pas souvent. Je m'alcoolise, je vois mon avenir déroutant. Je me nique la tête au studio pourtant. Le rap, je le baisse. Ouh, qui va me test. Ouh, le cerveau sous buzz. Ouh, on entretient le buzz. Ouh, je viens de Marseille, même si je t'enterre. Je te fais tout seul, me dis pas comment faire. Si le rap a un gosse, c'était mon fils. On apprend pas à faire un môme à son père. Nique ta daronne la folle qui se traîne le goût. Je la monte en l'air, elle me dit c'est so good. Tu crois en rien, explique-moi pourquoi petit con dans la mer sali avec l'eau douce. Le rap c'est Scarface, j'suis Tony Montana. J'suis venu tout casser, niquer la mer à Sosa. J'me vois dans Hit en train de niquer un brin. J'oublierai pas les gars One si j'repasse au gros sac. Oui, oh Mike, c'est la crise, mec. Énervé, j'viens pour vous la mettre. Pour un bullring, t'as juré la mec. Quand te connais, vis, oui, alors arrête. C'est prendre tes distances. Le patron te nique si tu vois une G-30. J'crois qu'il se trompe, moi y'a pas de piston. J'ai routé les pistons pendant que dans le piste, il se trempe. Ça ouvre des réseaux, plus il a venu. Tous pistés comme Simon et Tristan. C'est triste à dire, vide la cristalline, mets ton flash de Polyakov dedans. Y'a pas d'embrouille, range le gun comme. Ton histoire elle vaut pas un verpon. J'arrive dans le rap comme personne. J'passe sur ma prod, j'aime pas ce que c'est une clé de sol. Il me questionne, je me suis fait seul. Pourtant on était bien plus sûr qu'une quinzaine. Mais le temps passe, j'ai la vingtaine. Crois pas que c'est moi qui va trahir un tel. Fais gaffe à ta femme, elle t'en sorcelle. Il suffit d'une nuit à la marque d'orcelle. Une histoire d'amour un peu corse. J'ai préféré te casser, ouais maintenant tu dors seul. Je vais pas papoter, je vais te prouver. Un beat du shit, je vais te trouer, te secouer. Écoute, j'ai jamais cherché la merde, pourtant je l'ai toujours trouvé. J'ai zoné, de la beuh j'ai consommé. Pas besoin de sucer pour grimper au sommet. Vas-y, lève tes lunettes, on n'est pas au soleil. Il ne fait pas chauffer, on ne t'a pas sonné. On ne t'a pas sonné. On ne t'a pas sonné. On ne t'a pas sonné. On ne t'a pas sonné. Cagoule, paire de gants, arme de guerre, j'ai P800. Embrouille pour l'argent, laisse ta terre couverte de sang. Cagoule, paire de gants, arme de guerre, j'ai P800. Embrouille pour l'argent, je te laisse ta terre couverte de sang. Couvert de sang. C'est la crise, Mike, mec. Tu dédicaces à la Beko, au long. C'est la crise au mic. Ok. Dédicace à Bariol. Yeah. C'est la crise au mic, mec. Laissez-moi, je suis ailleurs. en direct dans la main, tu dailles. Viens nous tester si tu crois que t'es taille. Dieu tu tout le reste en chifikaille. Putain à la main, je donnez-moi la médaille. Pour mes casse-tous, mes cailles. Je ne jouerai jamais le voyou. Sans jour, dis-moi, tu veux que j'aille. Il critique, mais c'est que des jaloux. Que des jaloux. Il fait le gentil, mais ce n'est pas ton poteau. Balance à l'OPG quand tu lui montes tes photos. C'est pour Brahim, mort à ton émalie. Pour ce que tu reconnaîtrais pas, casqué en moto. Pour ce parti trop tôt. Pas t'endormir, m'a dit le manager. Je me dois de percer dans ma nature. Je suis à bout de nerf, oui, la stature. Ils demandent d'abord. On se rend pas, ils enquêtent. On s'entend perger sur le but. On s'échappe, ça part braquer. Casquette, course poursuite, on s'esquive. Sa vie dans l'ombre en grosse équipe. On allait dans longue alerte, la team. Respecte-nous si on t'estime. Allez, profitez sur moi, balé, balé. Mais je bouge la tête, mon vieux balé. Mon vieux balé. Ok, tout le monde. Laisse-moi, je suis ailleurs. Laisse-moi, je suis ailleurs. Laisse-moi, je suis ailleurs. Laisse-moi, je suis ailleurs. Laissez-moi, je suis ailleurs. Laissez-moi, je suis ailleurs. Ghetto, ghetto, levez-vous de là. Ouais, ouais. Ghetto, ghetto, j'ai versé des larmes. Ghetto, ghetto, levez-vous de là. Ghetto, ghetto. Ghetto, ghetto, j'ai versé des larmes. Viens s'appuyer pour ta carte devant la caisse d'épargne. J'ai Marseille dans la bouche, personne j'y parle. Non, n'ouvre pas sa gueule quand on ne sait pas. Le cœur cassé, j'attends qu'on le répare. Tout le monde te dit le king, mais qui est-ce? J'suis pas le number one, moi qui me laisse. J'suis pas les putes dealers comme qui me blesse. C'est pour Fabio et Chico. On se dérive bien à Mexico. Des Gawan sur le tricot. Dans le garage, on veut l'hélico. Chuck c'est GTA, y'a 5 étoiles. Il serait temps de mettre les voiles. J'ai toujours les yeux vers la lune. Car j'ai rêvé que je touchais les étoiles. J'ai du mal à dire t'es kéro. Gentil mais je suis pas un héros. Je me la pète pas, je fais pas la star. Je ne suis pas un héros. Tout le monde, je ne suis pas un héros. Je ne suis pas un héros. Je ne suis pas un héros. Je ne suis pas un héros. Laissez-moi, je suis ailleurs. Laissez-moi, je suis ailleurs. Yeah. Laissez-moi, je suis ailleurs. Ouais. Laissez-moi, je suis ailleurs. Ouais. Laissez-moi, je suis ailleurs. Ouais. Laissez-moi, je suis ailleurs. Ghetto, ghetto, levez-vous de là. Ghetto, ghetto, j'ai versé des larmes. Ghetto, ghetto, ghetto, ghetto. Dédicace à Malik. Mets le son à battre, du tout en direct. Là c'est magique, je m'alcoolise et je pense à ma vie. Je vois les petits sans souk en buter. Les grands pour du parc se buter. Le Kawasaki en train de rupter. C'est dangereux, oui là où j'habite. Même les filles se mettent à voler. Voisins qui pissent derrière le volet. Toulouse m'accueille en grosse volée. Gros pétard en billet violet. Mon cœur n'est pas à donner. Tu connais bien la devise, te déshabille pas, j'ai vite violé. N'oublions pas les frères enfermés. Du bon mètre de lune jusqu'à 6. Pour Marseille, tous ces cassos. Tête cramée, tchoun. C'est la crise au Mike, make. Ouais, ouais. Ok. On va. Yeah. Ok, ok. Alors. Cogno. Mike, make. Ok. J'vis ma vie, tu la connais. Zone, trop de fils de pute, de cave, des balles, ma vie, je suis même plus étonné, je t'ai vu grandir, ne m'esquive pas. Quand tu me croises, fais-moi la bise. Moi je grandis mais j'oublie pas. Tu me fais tes blagues, mais je souris pas. Non j'oublie pas d'où je viens. On rêvait d'être tous prêts. En bruit on était tempête, à 7 sur un bout de pain. Je te déballe ma life, je vois le buzz, ma Twingo. Dédicace à Tota, dans le salon le bingo. Tu veux mon cœur, la bim pas. Tu veux être mon ami, me nique pas. Je rappe pas pour les bimbo, tu me verras là où on m'invite pas. T'inquiète, je t'évite pas. Je sais pas ce que j'ai, je me vide pas. Je vis l'amour dans tes yeux, mais sache qu'on t'es les guide. Tu viens, tu me dis ouais, alors Joule, ça va, tu dates, hein. Tu me demandes des services, ça fait 2 ans que j'ai pas vu ta tête. Je te voyais te faire gifler, maintenant tu m'appelles mon fils. Tu grattes des pétards à tout le monde, mais casse-toi de là, j'ai vu ton vice. Ça tourne avec deux plaques dans le ghetto, ça devient dur les béton. Je vois les civils tourner, ils ont gravé leurs plaques sur le béton. Je vois plus le temps passer, plus je grandis, plus je deviens pisse. J'étais mal quand j'ai passé, parce que ta gadi ring, elle me pisse. Il fait fresh dans la caisse, j'ai fait bien de monter sa vitre. Ok, t'es un voyou, mais on s'en fout de savoir où t'habites. C'est triste, j'évite les gens qui parlent, qui chauffent vite avec les autres. Te montre pas trop devant les gens. Surtout j'abrète. Quand tu sacs le bouteille. Moi c'est assis mon alcool dans ma bouteille. Je te déballe ma vie. Plein à foutre en tournée. J'aime tellement mon public que je saute dans la foule. C'est pour ceux qui me laissent des coms. Oui des coms de fils de pute. Devant moi vous existez plus. C'est pour ceux en cellule. Contre manger de pâte au beurre. Ne leur montre pas ta mise. Ils vont te dire qu'elle est trop beurre. Y'a plus des gueules dans le secteur. Même ma 4 au sans seul. Un rap bloque l'ascenseur. Et nique sa mère les spectres. Gentil moi 6 du mat. Je vois la BVW. Je me mets par la fenêtre. J'espère que c'est pas chez moi qu'ils vont soulever. J'ai les yeux qui se ferment seuls. J'gamberge. Je vois les autres sourire. Je fais comme si tout allait bien. Mais je fais que souffrir. Je roule. Je vois toujours le vaillant orange. La rage. Je roule sans essuie-glace en plein orage. Ah, j'ai comme une envie de placer le ballon petit filet. J'ai vu de carfait. J'ai comme une envie de niquer ce qu'ils veulent m'enfiler. tu sors d'un an, tu vas cash dealer. C'est la routine, tu sais que tu vas encore finir par cantiner. Dur, dur d'imaginer. C'est pour ça, profite de ta mère, sois à l'heure à son dîner. J'y mets tout mon cœur dans ce putain de texte. L'amour en t'aveugle, mais c'était une putain next. Tu me critiques devant les gens. Proto, c'est danger, oui, danger. Comme ta femme en train de faire un beau déhanché. Je suis en chien, tu rangères et en shit. En shit. Ok. Pas fort en études, je préférais mes débuts. Règle du terre-terre, crier, rappel à l'équipe. Raconte pas ta life, on s'en fout de ta répute. Le sais-tu, je fais confiance à mon manche, jamais assez pute. C'est Liga One, connais que l'histoire de la malle. C'est celui qui se la joue le plus, qui à la fin a mal. J'te balle, sans à balle, pour mes dalles, j'fais mal. Si tu me rabaisses, moi ça m'est égal. N'écoute pas les jaloux, ils sont banques à chanter. J'ai connu la galère, dormir dehors comme des jantés. Chez moi ça part de braque au cagoulé dans un A4. J'mis dans la zone, ça essaie de cabrer à 4. Ouais, couteau dans la manche, petite classe dans la poche. Coupe de boche, lunettes de bus, t'as des kills dans la sacoche. Personne m'embauche, pas grave, j'compte péter le million. J'vais finir billionnaire, coincer des femmes faire le million. Et demande à Soso, Manes, on tient les manettes. Ça va faire longtemps qu'on est sur une autre planète. Remets-moi cet instru, s'il te plaît, DJ. DJ Sam. Ok. C'est la crise, oh my. C'est la crise, oh my. C'est la crise, oh my. Ok. Ça va faire longtemps qu'on est sur une autre planète. Fais voir ma canette, que je mette ma vodka. Tu veux éviter d'avoir des gosses cachés, baisse pas sans podcast. Fais pas l'intéressant, sur toi je compte pas. On m'a dit tu grandis, tu oublies, moi je grandis. Mais je gomme pas, tu me fais celle qui a pas faim. Mais que tu te frottes à ma jambe. Mais y'a mon poteau dans la chambre. On lâchera pas les terres-terres. Été comme hiver, de janvier à décembre. Tu fais chier tout le monde, t'as trop laissé traîner ton boule. Je vois tout ce que tu vas faire, je te reconnaîtrai sous une cagoule. Je te raconte ma life, c'est réel, c'est pas le ciné. N'essaie pas de détester le rap, moi c'est inné. Je traîne au check, tout comme toi je fais que trimer. J'ai vu les petits comme buter quand les bourgeois partaient dîner. Je tourne en caisse, tout ce tram est turbande. Un deuil à les condes, j'essaie de les perdre à fond. De la pointe à fond vert, sortez les revolvers. Plein de disques qui meurent pour moi, mais y'en a combien qui vont le faire. Je gère, confiance à mes êtres chers, chers. Chez moi la guine nous pose à se mettre cher. Fais tourner ta folle, surtout si elle le beurre. Demande au manager, je suis venu pour briser des cœurs. C'est chaud au secteur, et nique à l'inspecteur. Go fast, si y'a poursuite, sans l'instincteur. Viens voir au check, ça vend du shit en forme de Kinder. Prise de tête malade, mais tabe dans le grinder. Mais tabe dans le grinder. Ok, ok. Enfermé dans un train d'enfer, en train d'enfer. Tu me vois gentil, je te casse ta tête, tu touches mon frère. Tu dis n'importe quoi, mêle-toi de tes affaires. Je t'en dirai plus quand j'aurai fait le tour de la terre. C'est clair, on voit que les vrais quand tu es à terre. Tu as fait le mac, tu as glissé, ça t'a même pris tes Nike Air. Les faux s'enterrent seuls, ils me cachent mais je suis personne. Je pas mon verre seul, je fais mon verso. Tu te crois en guerre frère, je crois que t'es lunatique. Ça fait des go fast avec du shit dans le pneumatique. Regarde pas de travers, ça pète automatique. J'ai un pistolet à big, on parle pas d'automatique. Perdre un proche ça fait mal, comme voir un frère en tol. Les faux et tenus à croire qu'ils ont le cœur en toc. Je tourne pendant que le temps tourne. Je vois ma daronne galérer alors dans le rap je tente tout. Moi je veux la maille, je m'en bats les couilles. Shit me dans les couilles, les chemises qui te fouillent. Tu fais le mec mais t'as la trouille. J'ai la froid mais au fond je bouille. De la poudre dans les douilles, disque d'or, alléluia. T'as trahi, me dis pas rouille. Alors ma couille, t'as une vie dramatique. T'as tout perdu, ta famille, tes gosses. Parce que les femmes t'attirent, ils veulent me faire couler. C'est plein de tentatives, dans l'histoire celui qui s'en sortait. C'est celui qui tentative, si les petits te sortent des armes. Pas formé au stand de tir, forgé par la rue. Il t'exécute dans ta tire et t'es ta queue, putain c'est qui là. Faut que je le quille ou bien que sur lui je... Qui là, je suis qui, que quelqu'un me dise qu'est-ce qu'il y a. Et qui en veut, l'instru je le plie en deux. Fais pousser la perpète, trouve-toi tes clients deux. On y arrive si on le veut, on survit comme on le peut. C'est pas comme ces fils de pute qui m'ont des coups entre eux. Client, cliente, tout le reste a le même et n'est pas de ceux qui se méfient entre eux. Sache que nous rions peu, pas encore au million mais gros on nourrit qui on peut. On a la gloire mais on triomphe peu. C'est la crise au mic mec. La crise de Mike, mec. Ah, vas-y, frère. Alors la Dream Team Joule, elle est là ce soir ou pas? J'espère que la Team Joule, elle est là aussi. Ok. Ok. Ok, mec. J'en ai marre de tout, alors je casse tout. J'en ai marre de tout, alors je casse tout. Je fais comme si j'étais seul dans cette putain de planète. Je zone comme un louve, à l'affût de tout. Mais je suis en sursis et la juge va tout faire pour que je m'arrête. J'ai des plans mais je suis à sec. Vous faites les mains qu'il est tout seul, vous êtes à sec. Ça fait longtemps que tout va mal dans ma tête. Si tu tires pour tuer, vas-y vise dans la tête. Je t'aimais bien mais pourtant tu me l'as mise. Je dis rien pas trop présent mais t'inquiète je t'analyse. Contaminé par la maille y'a pas de miracle il faut un temps. Tu veux charbonner ben mon pote tu marcheras autant. Je me descends dans ma caisse et tu es jalouse. Avant j'étais grand au lieu de penser qu'à moi je pensais qu'à nous. 21 ans je suis pas carré je suis pas calé. J'arrive sur la piste les bras en l'air. Je danse pas le coupé décalé. Les femmes c'est comme une tèche. Tu la fais mais tu la jettes. C'est toi qui la consumes jusqu'au jour où elle t'achève. Moi cette année je me suis lâché. Je suis resté en bas de mes tours. Je me suis taillé, je me suis caché. Quand les civils faisaient des tours. À cause de quand je conduis, je fais des détours. Quand ils me contrôlent, je ferme ma gueule, je les regarde, je fais le sourd. Et mes potes, ils ont tous connu les zones. Putain, je suis foiné, la moitié ils sont en tol. Quand on sait ce que l'état veut, ils fouillent même nos caves. Mon frère fait attention parce que de nos jours l'amour entave. Je suis à la fille d'une chatte, que je pèse qui me gâte. Mes ex c'est fini parce qu'elles trahissent ou qu'elles sont sales. J'ai 21 balais, je me suis mis à passer le balai. Pour un cambu, je finis avec ma daronne au palais. Là j'en ai marre des parloirs, de voir mon frère enfermé. Wesh les matons niqués, vos mères on vous a berné. Dès que je sors, je vois les schmitts, ils font les macs. Ils sont là 7 sur 7, ils veulent te voir la main dans le sac. Et c'est sûr, déjà emporté la guigne. La tige a dû à lui, il va direct à l'une. Et je suis mal sans lui, car j'ai grandi avec. Ouais lui c'est mon ami, sa mère m'a dit faut faire avec. Et au fait, j'en place une pour Amanda. C'est le petit en gros cube avec la casquette Yamaha. Et j'en place une pour Ousine. Un seul prépare le pont, il faut qu'il oublie ses soucis. Et pour des sous ici, rien que ça t'incite. Les schmitts ont les insultes, y'a rien pour eux mais ils insistent. Et moi j'assiste à toutes ces scènes qui font de la peine. Et je me rappelle quand y'avait tout le monde à l'appel. Des bracos tous les jours, des couteaux sous les joues. Ça disait demain on refait ça, si aujourd'hui on échoue. Ça sent la défaite, mais faut se remettre en cause. On dirait que je suis parano, putain je m'imagine des choses. 5h du mat, je dors pas j'ai les yeux ouverts. Je me rappelle les gendarmes chez moi, putain j'en ai souffert. J'arrive pas à réaliser, ils ont tout analysé. Et ma mère fait que pleurer à cause de ces banalisés. Avec ces histoires on va finir traumatisé. Vas-y lève-toi du milieu, aujourd'hui je vais m'alcooliser. Je m'en bats les couilles, Chico va te le dire. Grâce à moi il craint pas les coups. Et pour Wassim il est fou dans sa tête. Il sortait en promenade avec le t-shirt sur la tête. Et pour la queue d'art, on reste posté, on blague pas. Voilà juste ça passe pas, quand tu dis moi je t'en fais pas. Et dedans, faut te dire que tu vas sortir. Faut que tu voyais la peine des autres pour te dire qu'il y a encore pire. Le quartier empire là, pourtant je vais pas fuir moi. Si tu dois te prendre lui, moi, crois pas que j'affirme moi. J'en ai marre de tout. Quand ça va mal, je me saoule. Cette vie, je la découvre. Tout ça manque de maille. Faut que tu comprennes que l'État nous l'a mise. Je suis pas les autres, moi je me plie pas aux autres, tu sais. Faut que tu vois ce qu'on vit ici, c'est pas facile. J'en ai marre de tout. Quand ça va mal, je me saoule. Cette vie, je la découvre. Mais on est tous en chien, tout ça manque de maille. Faut que tu comprennes que l'État nous l'a mise. Je suis pas les autres, moi je me plie pas aux autres, tu sais. Faut que tu vois ce qu'on vit ici, c'est pas facile. C'est la crise au mic, man. C'est la crise au mic, man. C'est la crise au mic, man. C'est la crise au mic, man. C'est la crise au mic, man. C'est la crise au mic, man. On parle pas, nous on agit. En direct de l'une, demande à Agile. C'est la crise au mic, mec. Ok. On envoie le suivant. Yeah, yeah, yeah. Ok. Qui est chaud ce soir, hein? Je prends mes potes à la base, je pense à mes potes à la barre. Ici tiens, c'est un fait qui sert pour te mettre sous contrôle judiciaire. Ouais la vie c'est bizarre, tous mes potes me le disent. C'est un coup, je fais le teaser, moi qu'est-ce que tu veux que je te dise. J'aime vraiment fuir loin de là, ici c'est rempli de lâche. J'ai plus d'ans pour tes bêtises, cousin, moi je prends de l'âge. Wesh les potos, vous inquiétez pas, si un jour je pars l'équipe. Ne regrettez pas, la vie c'est dur à en pleurer. Comme quand ta femme te remballe, tu fais semblant, tu t'emballes. Mais quand je bordel, tu t'emballes, pour elle tu pars contre des paillots. Celle de pousse, tu t'emballes, pour elle t'as coulé poteau. Tu mouilles même plus ton maillot, pendant que dans la lambada. Toi tu mets le shit dans l'emballage, de toi elle s'emballe. Avec mes temps pour elle sur la calache. Et je sais que mes potos me diront Jules, ça c'est bien parlé. Je répondrai peut-être pas la tête, déguste en mode pour parler. Je fais des choses que je veux pas, je suis trop fier intérieurement. Aujourd'hui ça va, demain je mettrai les gants, fumeurement. Le rap, une tumeurman, si je m'écoute, tumeurman. Je veux l'argent du Burman, faut que j'ai un Porsche, un Burman. Laissez-moi passer mes soirées tranquille avec mes potos. Ça commence par rien maintenant, avec moi ça prend des photos. Je t'explique ici, on veut monter une équipe comme dans New Jack City. On a vu trop de frères entrer, alors on finit en bébé de Wanda Fiji. J'ai de l'esprit hard, juste plaît quand je rappe, parle plus. Écoute bien, mis, tu commences par la bouche, tu finis par le cul. Je sais pas, méchant les choses venir. Dis-toi bien que je veux quelque chose, je finis par l'obtenir. Mes phrases sont plus sensées qu'avant. Je commence en roue arrière, soirée, je finis en roue avant. Voilà fin d'après-midi, tout le monde au quartier. Les Schmitt en face de moi, je rappe, ils font que me regarder. Ici c'est inversé l'équipe, sans carte, sans arglésique. Après tout, y'a que ça à faire, les petits me disent adulte, mais moi des zik. Non, on voit les mêmes têtes, les vrais, je les connais, t'inquiète. Tu fais le match, tu montes la voix, mais t'as pas fait plus d'un tête. Faut pas s'haïr, faut pas se trahir, c'est galère. Pas de l'or, je vends pas la cocaïne, sa mère. Ça y est, me voyait sage, parce que je prends de l'âge. J'ai le rap en otage, je te fais ton coffrage. Du lot pilotage, les victimes au cage. On les boulet gros, si on qui stage. Non, faut pas qu'ils nous pètent là, je répète là. Mes potes sous êtes là, t'inquiète, c'est vraiment une folle, je te dis répète là. Zou, Henke, Nega, chaise, l'espoir pour marrer la route. Viens pas me la barrer, génération, tom de métal. Tu quittes, j'espère, tu serais pas venu tchouper sinon. Y'a que des bandeuses de rappeurs, frérot, c'est hallucinant. Tu joues les brigands, non mais dis-moi depuis quand. Les bons élèves deviennent les incidents. Devant le gars, hésite, à deux masques, je te le guidant. Sous le rétro, c'est tout bleu. Pour une histoire bidon. Et si tout le monde te juge, laisse-les faire la pute. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, c'est toi seul qui forge ta répute. A l'aise, comme plusieurs russes devant une porte. On sort les pecs comme un coq, pas de décret, tu pas dans le rock. Si ça pète, on va croire. Si tu poses mon texte, moi une choc. Claquette en short, c'est un 3-5 pas Bangkok. Bangkok, ça fait volaille, reste tranquille, dis pas ton âge. Faut que je dégoûte le soleil, moi je coule pendant que le patron nage. Dans Delias, direction la jungle. Si vous voulez nous des, mon Chico, le pompe est là. Nous me tiens pas, on te lâche et nous on te pèse et on te lave d'appant. Remonte là si c'est le cas, t'as tombé là. Sur la vie, je patine, comme Philippe Condé l'euro. Fini les francs, on veut de l'euro, car c'est y'a que les Condé l'euro. Cette vie me brouille, crouille, cette vie me saoule. Putain, que j'aimerais trouver une fille bien clean, cool. C'est Jules qui arrive, bim, boum. Il est RG qui te zoom. En douce, t'arrives qui te fouille. Départ comme côte d'un tout. Faut taille à ton coude. Belle vie, plein coulo. Plein de choupas de boulot. Je peux pas avancer sous l'eau. Et allez vous faire un coulo. Si nous avons des rouleaux, l'avenir au bord du rouleau. Tu présentes dans les moulons, ni de vous. C'est pas cool les poulets, les gosses, les boules, ça se saoule. Les boss s'élèvent dans la soule. Écoute un peu ce bête d'instru, construit le berceau. A force qu'il me donne pas la balle, je vais finir par jouer le perso. Combien on taillé, montant la côte des héros. Moi, on m'a enlevé l'amour, moi, je peux plus dire tes héros. Sois pas raciste, le cœur fait pas la couleur. C'est pas les actes des fois, mais c'est les mots qui font la douleur. Je suis un loup, ah ou, je suis même plus j'ai malou. Faut plus laisser rentrer les fêtes, faut lâcher des cailloux. Je donne avec mes brigands, pis des apparts des villas. Tu sais pas ce que je vis là, j'aurais pu être un David Villa. Un David Villa. Passer le temps 2014 j'ai les dents. Ouais j'ai trop laissé passer le temps. 2014 j'ai les dents. Trop laissé passer le temps. 2014 moi j'ai les dents. Trop laissé passer le temps. 2014 moi j'ai les dents. Trop laissé passer le temps. Ok. C'est la crise au mic mec. Ok mec. Ok. Yeah. Ok. J'ai des mots carton, moi c'est Jules, c'est violent comme voir un quad à carrefour. Bouge ta tête, c'est le zone qui t'emmène. Ok, t'as des histoires, ouais, mais qui s'emmène? Qui se ramène quand y'a plus de 100 mètres? J'connais des vrais, j'connais beaucoup de gens qui s'amènent. Ne pas jamais moto, calage dans l'auto. J'pousserai en tiers des flics prennent en photo. Toujours anti-état, ça va la balle à local. Vie dans l'eau, casque, t'as volé dans le local. J'ai trahi tout le monde, faut pas me connaître. En plus, quand y'a un bruit, tu cours à l'heure d'une tour, un doigt au maire, ils veulent pas nous aider alors niquez vos mères. Le temps passe vite, le petit vol Cito. Marseille s'est cramé, vas en rendre les ligots. C'est pas le Vito, l'honneur c'est vital. Calibre dans la viton, attends t'as les ricales. Tu vois les schmutes, un ravitaille. Tous les jours en panique comme celui qui ravitaille. J'arrive au sud, pour une charge. Trop en charge, les MC, je vais m'en charger. Qu'est-ce que tu me dirais si demain je roule en lambo? Ça a trop changé maintenant, c'est la voiture qui tremble. Bam, zamba, des gains pour les charges, les traites pour les charges. Un frère en toile, une mère en plus devant le parloir. Nique les matons, mets mon sang dans le parleur. Sur le palais, la juge t'a remballé. Faut récupérer le para, c'est lui qui passe le balai. C'est du lot pilotage, les rappeurs je vais les chaler. Je vais les faire cabrer en t'a touché la chalette. Dans le cross volé, calme même si la roue est voilée. Pétard en billet violé, tous tes habits, pas je vais te violer. Sors le cross volé, calme même si la roue est voilée. Pétard en billet violé, tous tes habits, pas je vais te violer. Pas le gros, tu vois pas, tu fais la guerre seul. Demande à Simon pour le corps à la personne. Peur de personne, on parle de Dieu, je frisonne. Je peux savoir qui m'a trahi, mais pas comme une personne. Les vendeurs sont mis sous trêve, arrête dire tu vois la source. C'est tout ce que tu sous-traites, moi je rappe souple. Je te fais la souffle, sur l'encodeuse, prends le cash à Phuket. C'est ta si tu guettes, si tu pètes si tu gueules. J'aime pas mon rap, mais ta mère danse sur mon single. Mon crossing c'est ma zone, faut faire la jungle. Trouve un appart, fais pousser la purple. Tu vas faire une tête quand tu mets ton barbalé. Tu s'en fous de l'école, ils mettent du chute dans le cartable. Les gars one, c'est la base, mais toi ton cartonne. On va tout plier comme le gambio Caldon. Oh les mains, j'arrive c'est chaud les man. J'ai vu des filles en chien, des nez man. J'ai même plus si j'ai mal. Tu vois le schéma, je connais ma ville par cœur. Marseille c'est chez moi. Pas de blonde, comme le chameau. Chez moi ça voit le goût de super amour. Dans la main le 16 coups, ça bat quand 16 secondes. mets les sacs à l'arrière et vas-y, let's go. Tu prends le Rambo, tu prends la testo, n'espère pas mourir tard, tu prends la testo. Y'a trop de pauvres, très peu de riches. Il est pouce monde, demande à Boris, tous bourrés, on se rend bourré. Y'a ta pingue à dire, mais c'est la même qu'on veut fouler. Ouais, sors le gros volet, comme même si la roue est voilée. Pétard en billet violet, te déshabille pas, je vais violer. Sors le cross volé, comme même si la roue est voilée. Pétard en billet violet, tu te déshabilles pas, je vais te violer. Je vais te violer, je vais te violer. Je vais te violer, je vais te violer. Vas-y, en bref, la crise au mic, mec. Envoie tout. Brigante. Brigante. J'ai un son à mettre là, il s'appelle Brigante. Clip qui va sortir très bientôt. Donc on finit, avec ce morceau. On finit avec Brigante. Ce allez, c'est parti. Toutes les prisons de France. Yeah, c'est Joe la crise au mic, mec. Dédicace à Barabas, Hadji, Malik. Y'a des petits gantés, y'a des faux partout. Y'a des petits gantés, y'a des faux partout. Y'a des petits gantés, je suis fier de mon parcours. Joue pas le brigandé. Y'a des faux partout, y'a des petits gantés, je suis fier de mon parcours. Joue pas le brigandé. Laissez-moi, je suis dans mon délire. Je suis personne, j'ai pas me vendre. Les petits faire des délits, j'ai pas la tête à inventer. Tu voulais savoir ma vie, j'ai traîné, ça m'a scanné. J'ai grandi, j'ai vu mes amis, je sais qu'en toi ça fait des années. Dans ma team on est tous fous, on brûle ça sur les six coups. J'ai la famille, viens boire un coup, ramène ta folle, on lui met son coup. Y'a des fous partout, y'a des petits gantés. J'suis fier de mon parcours, j'suis pas le brigandé. Y'a des fous partout, y'a des petits gantés. J'suis fier de mon parcours, j'suis pas le brigandé. J'suis pensé à ta faux plaque où ça vend du shit. Le seul but en tête c'est faire du chiffre. Je te fais par le mieux, tu vas te prendre une gif. A chaque fois que je rappe, j'vois la foule qui s'agite. Mon garçon sur Italif, on est ailleurs. Les gars, one cette année, ça va foutre de fire. Ça te fait plaisir, un lapin sur ma zik. Encore un classique, et ouais, tout c'est magique. Je suis d'amour et de peine, pas que ça boucane. Au début, tout est rose, après tout le monde se boucane. Je chante plus le week-end. Y'a des fous partout, y'a des petits gantés. J'suis fier de mon parcours, j'suis pas le brigandé. Y'a des fous partout. Dédicace à Miguel Dexter, couille. Allez, le Manou, j'ai caché. C'est la crise au Mike, mec. Ma dream team Joule, c'est la crise dans ma vie. Mon frère, on t'aime. Asdin, Amada, Wassim, Gilles, Barabas. C'est la crise dans ma vie, mec. Dans ma paranoïa depuis le 24 février dans les bacs. On s'approche du disque d'or. Tous les matins de France. Rendez-vous au White Dream. Rendez-vous au White Dream ce soir. Rendez-vous au White Dream. Joule, à l'instant Brigante, c'est un morceau qu'on retrouvera. C'est un morceau qu'on retrouvera, Brigante. J'espère. Mais où? Ah, sur YouTube, sur ma chaîne. Ma chaîne, c'est Joule Saint-Jean, collé. Et voilà, dans pas longtemps, il y a le clip. Là, on va envoyer le teaser. Et dans pas longtemps, on envoie le clip. Et ben, vas-y, on va voir dans un instant, juste avant, à faire tourner la roulette. Et il y a l'alerte enlèvement aussi à faire. L'alerte enlèvement qui concerne Mia, bébé de sexe féminin âgé de 4 mois et demi, de santé fragile, qui a été enlevé vers 23h le 17 avril au centre maternel de Nancy. L'enfant porte un pyjama. La suspecte est la mère de l'enfant âgé de 36 ans et déficiente mentale. Elle mesure 1m75, porte des lunettes gros foyer, a des cheveux châtains foncés ondulés et légèrement grisonnants. Elle porte une veste polaire beige avec un imprimé géométrique dans les tons rose et bleu, ainsi qu'un pantalon et des baskets noires. Elle est montée avec l'enfant dans un véhicule qui l'attendait à la sortie du centre maternel. Alors, si vous localisez l'enfant ou le suspect, vous n'intervenez pas vous-même, mais vous appelez immédiatement le 0805 200 200 0805 200 200, ou alors vous envoyez un courriel à alerte.enlèvement@intérieur.gouv.fr. On fait tourner la roulette maintenant. Viens gagner ton iPad mini, des places de ciné babysitting, plus ta compil Planète Rap 2014. Sabrina de Marseille, comment ça va Sabrina? Oui, bonsoir Fred, ça va? Ça va, on est à Marseille pratiquement toute la semaine avec Jules. Oui, ça va Jules? Ben Jules, il va bien, là, il fait le tour, il y a du monde dans le studio qui est en train de faire un petit peu le tour. Ouais. Je vais te le présenter dans un instant, on fait tourner la roulette, c'est parti? Allez, ça marche. Allez, dès que tu veux, tu dis stop, on fait tourner. Ok, ça marche. Stop! Et ça va s'arrêter pour toi sur la caisse du renfort avec toi Sabrina. Oui, j'ai mon petit frère qui est fan de Jul d'ailleurs. Et bah le frangin fan de Jul. Et Sabrina, il s'appelle comment le frangin? Il s'appelle Kylian. Et bah Kylian et Sabrina, vous repartez avec l'album Planète Rap 2014, la clé USB, yes, logotisé Planète Rap. Tu passeras le bonjour à ton frère. Et version collector et les deux places de ciné pour aller voir Babysitting, le film qui est sorti mercredi. Cool. Bisous Sabrina. Ouais. Petite dédicace à Ben. Attends, deux secondes, vas-y. Je voulais demander à Jul, il y a moyen que tu me dédicaces justement l'album que tu marques pour mon petit frère? C'est comment, Kylian? Ouais, Kylian. On va s'arranger, bouge pas, je t'en passe Fab au standard. Bisous Sabrina. Merci beaucoup, bisous. Tu voulais dire un truc? Ouais, une dédicace à Ben de Nanterre. Voilà, pour... Ouais, pour ceux qui ont les images, c'est sur skyrock.fm. Voilà, bah, une petite pensée donc pour Ben. Voilà, merci pour cette semaine, Jules. Merci à vous, Fred. Bon concert ce soir pour les Parisiens, c'est White Dream et ceux qui sont de la région parisienne. On va mettre le feu encore. Et Rancard pour un prochain Planète Rap avec un nouveau projet qui arrivera aussi au mois de juin. Donc la crise au Mike. Voilà, le 16 juin. 16 juin dans les bacs. Merci à vous tous, à toute l'équipe, à la Team Jules, à la Dream Team Jules et à tous ceux qui étaient là tous les soirs de la semaine. On va retrouver Diffoul maintenant. Ouais. Ouais. Une dédicace à Badjis, Tifleur, Ibrahim. Eh oui, on est là. Bah, merci Jules pour cette semaine. C'est la crise au mic. Et c'est Fredo qui revient tout à l'heure à minuit pour la nocturne de Planète Rap, Fredo. Ah ouais, je pense que ça risque d'être chaud ce soir. Ouais. Pourquoi ça va être chaud, Fredo? Bah, comme ça, je le sens. Ah, je suis rentré dans le bureau, j'ai vu un bar ambulant. Et lui me dit, mais il y a une fête? Je fais, non, il y a la nocturne après. Il fait, ah oui, exact. La nocturne n'a pas loupé 100% rap français. Vous qui faites 100% français, soyez là tout à l'heure à partir de minuit. C'est avec toi, Fredo. À pas louper. Et puis, semaine prochaine, Planète Rap, dès lundi de Pâques, Planète Rap, oui, en direct. On sera en direct lundi, évidemment, avec Islem qui débarque. On l'a connu avec Nesbill, aux côtés de Nesbill. Et ben voilà, il y a son premier album. On pourra le découvrir dès lundi. Eh bien, on attend ça avec impatience. Lundi, on sera là juste avant 20h. Ah oui. Lundi de Pâques ou pas, Planète Rap est là. Exact. Et Fred aussi. Merci, Jules. Bon concert pour ce soir. Ouais, c'est la crise au Mike. La crise au Mike. Hey. Et on c'est va pas... revenir à Diffoul. Hein. Bah ouais, pas de soucis. Eh ben, on attend ça avec impatience, les Marseillais. Allez. Et bon concert ce soir. Allez, merci. Ciao. Salut à toi, Jules. Salut à toi, Fredo. Et dans un instant, c'est parti pour la Radio Libre. On vous attendait maintenant. 01 53 40 30 20. Vous nous appelez toute la France. On est là tout au long de la soirée. Si vous avez un truc à dire, si vous voulez faire les cons avec nous. Et bien, dans un instant, combien de temps, Samy? Dans quelques deux minutes. Même pas deux minutes. Même pas deux minutes. Et ça, Marseille qui vous le dit, ça peut être encore plus rapide. Ouais, c'est ça. Allez, on est de retour tout de suite sur Skyrock sur la Radio Libre. Ciao.